en avait conservé Mademoiselle Chuin à la maison. Le baron était habitué à elle. D'autre part, elle savait trop de choses pour qu'on puisse s'en débarrasser. Un moment, la vieille fille avait eu le projet de se retirer avec les 20 000 francs que Nantas lui avait comptés au lendemain de son mariage. Mais sans doute elle s'était dit que la maison devenait bonne pour y pêcher à nos troubles. Elle attendait donc une nouvelle occasion, ayant fait le calcul qu'il fallait encore 20 000 francs si elle voulait acheter à Rouenville, son pays, la maison du notaire qui avait fait l'admiration de sa jeunesse. Nantas n'avait pas à se gêner avec cette vieille fille dont les mines confites en dévotion ne pouvaient plus le tromper. Pourtant, le matin où il la fait venir dans son cabinet et où il lui proposa nettement de le tenir au courant des moindres actions de sa femme, elle finit de se révolter en lui demandant pour qui il la prenait. « Voyons, mademoiselle, dit-il impatienté, je suis très pressé, on m'attend, abrégeons, je vous prie. » Mais elle ne voulait rien entendre, s'il les mettait des formes. Ses principes étaient que les choses ne sont pas laides en elles-mêmes, qu'elles le deviennent ou cessent de l'être selon la façon dont on les présente. « Eh bien, reprit-il, il s'agit, mademoiselle, d'une bonne action. Je crains que ma femme ne me cache certains chagrins. Je la vois triste depuis quelques semaines, et je songeais à vous pour obtenir des renseignements. » « Vous pouvez compter sur moi, dit-elle alors, avec une effusion maternelle. Je suis dévouée à madame, je ferai tout pour son honneur et le vôtre. Dès demain, nous veillerons sur elle. » Il lui promit de la récompenser de ses services. Elle se fâcha d'abord, puis elle eut l'habileté de le forcer à fixer une somme. Il lui donnerait 10 000 francs si il fournissait une preuve formelle de la bonne ou de la mauvaise conduite de madame. Peu à peu, ils en étaient venus à préciser les choses.